Audiomatique. One day it happened. happens again and I try to see. Problems to wake up, none. I've got problems to fall asleep. That is the color of being. C'est avec le groupe allemand de No Twist que s'amorçait la transmission 350 d'Audiomatic. Nous vous avons présenté la pièce titre du troisième album de No Twist, intitulé 12. Devant la perspective exponentielle des sons, de leur agencement, de leur interprétation et de leur perception, les sonoristes tentent chaque semaine de garder à l'esprit les caractéristiques non genrées et non binaires de la création musicale afin de présenter la plus grande diversité de musique possible. Flow of a thousand, won't we all line? Cette séquence comportant deux pièces se terminait sur la musique de la formation Swerve Driver et sa pièce In My Time, composée pour l'album 99th Dream, paru en 1997. Et avant Swerve Driver, c'était le projet Clark et la pièce Open de son album Iradelphic, publié en 2012. Et sans attendre, Audiomatic se poursuit sur la musique du projet CTI. à Audiomatic. Nous venons tout juste d'entendre le groupe Harmonia et sa pièce Serre Koschmisch, publiée sur le premier album intitulé Musik von Harmonia en 1974. Rappelons qu'Harmonia est née d'une collaboration entre Hans Joachim Rodelius et Dieter Moebius de la formation Cluster, à qui s'est joint Michael Rotter du groupe Neu. Avant cela, c'était CTI, acronyme pour Creative Technology Institute, un projet à caractère plus ambiant fondé par Chris Carter et Fanny Causey-Tutti, deux ex-membres de la formation Trubbing Gristle qui composent aussi sous le nom Chris and Causey. Donc, de leur projet CTI, nous écoutions la pièce No Man's Land parue sur l'album Metaphysical The Library of Sound Edition 1, sorti en 1993. Pour clore cette transmission 350 d'Audiomatic, nous vous ferons écouter la face B du dernier album du groupe Godspeed You Black Emperor, intitulé God's Pea at State's End, et qui est sorti le 2 avril dernier. La face B de cet album contient la pièce principale, Government Came, et les mouvements Cliff's Gaze, Cliff's Gaze at Empty Waters Rise, et finalement Ashes to Sea or Nearer to D. Les sonoristes vous invitent à assister auditivement à la transmission 351 d'Audiomatic en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h ou en différé grâce à l'accessibilité numérique liée à nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Godspeed You, Black Emperor et la face B de l'album God's Pea at State's End. C'était Audiomatic avec les sonoristes. I've always tried to be a pretty good guy. I'm just not going to be treated like it. Once you come along with your dad, I know when I'm just a boy, some stuff started. When the government came in, killed a couple, and the rest of them pissed themselves, went to the house, and nothing else happened.